tant de contradictions, trop de choses cachées qui empêchent de voir et freinent l'avancée, te laissant dans le noir, rejetant toute pensée, soumis au désespoir que tu sais t'infliger. Hier n'est que passé, et sans même l'oublier, au présent fais tes choix, sans jamais regretter. Regarde vers l'avant et reconstruis ta vie. Hier ne pourra pas revivre aujourd'hui. Et si pour être heureux, il te faut tout rayer, fais-le et sans regret, cherche à illuminer la route face à toi, ferme les portes passées, laisse le noir derrière toi, le sourire retrouvé. N'oublie pas que la vie est toujours faite d'étapes, que chaque tragédie se vit comme un obstacle. Et si pour le franchir, des âmes vont souffrir, prendre une décision, ne plus y revenir. La souffrance n'est rien, tant elle ne dure pas, elle épuise, elle tourmente, lorsqu'elle reste là. Avancer, faire des choix, même si on s'est trompé, l'erreur ne doit jamais être source de regret. La culpabilité n'apporte rien de bon. La vie est bien plus simple avec des décisions.